Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Des méthodes en histoire naturelle. Nécessité d'une méthode en toute science, Darwin opposé à Cuvier. Dans toute science, il faut nécessairement une méthode. L'histoire naturelle est peut-être celle qui en a le plus besoin, car il s'agit de réunir et de classer des êtres très nombreux, le plus souvent étrangers les uns aux autres, et parfois séparés par les plus singuliers contrastes. Seulement tout repose sur le choix même de la méthode. Ainsi nous avons vu, dans l'exposé des faits qui précèdent, à quels résultats différents sont arrivés Cuvier et Darwin, bien que placés sur le même terrain, le terrain de l'observation. Ces différences étaient, on peut le dire, dans la logique des choses, par suite de la différence même des méthodes qu'ont suivies ces deux naturalistes. Ces deux naturalistes, est-ce que, moi aussi, je mettrai sur la même ligne de non si bien fait, dans cette circonstance du moins, pour s'exclure? Nullement. Si je les rapproche, c'est uniquement pour en faire mieux ressortir encore l'opposition. Je disais donc que Cuvier et Darwin sont arrivés à des résultats tout à fait différents, ce que j'attribue aux différences même de leurs méthodes. Ces méthodes, comparons-les entre elles. Il en ressortira une connaissance plus exacte des faits, il en ressortira surtout de graves enseignements sur les dangers qu'il y a de vouloir substituer ses propres lois à celles du Créateur. Méthode de Cuvier et méthode de Darwin. Base de la méthode de Cuvier, un animal reconstruit avec un os, tout un monde inconnu révélé. Darwin n'a pas de méthode, il prend la création à rebours, son peu de souci des objections, erreurs physiologiques, renouvellement des solides et des liquides, le couteau de Jeannot, méthode d'autruche substituée à la méthode naturelle. Cuvier, nous le rappelons, a pris pour point de départ l'anatomie et la physiologie comparée, il s'est dit que, dans une machine aussi compliquée et néanmoins aussi essentiellement unique que celle qui constitue le corps de tout animal, toutes les parties devaient nécessairement être disposées les unes pour les autres, de manière à se correspondre et à s'ajuster entre elles pour former, par leur ensemble, un système unique. Une seule partie ne pourra donc changer de forme, sans que toutes les autres en changent aussi, de la forme de l'une d'elles on pourra donc conclure la forme de toutes les autres. Supposez un carnivore, il aura nécessairement des organes des sens et des organes du mouvement, il aura des doigts, des dents, un estomac, des intestins, disposés pour apercevoir, pour atteindre, pour saisir, pour déchirer, pour digérer une proie, et toutes ces conditions seront rigoureusement enchaînées entre elles, car, une seule manquant, toutes les autres seraient sans effet, sans résultat, l'animal ne pourrait subsister. Supposez, au contraire, un herbivore. Tout cet ensemble de conditions sera nécessairement changé. Les dents, les doigts, l'estomac, les intestins, les organes du mouvement, les organes des sens, toutes ces parties auront pris de nouvelles formes, et ces formes nouvelles seront toujours proportionnées entre elles, et relatives les unes aux autres. De la forme d'une seule des parties de l'animal, de la forme des dents, par exemple, on pourra donc conclure, et conclure avec certitude, la forme des pieds, celle des mâchoires, celle de l'estomac et celle des intestins, toutes ces parties se déduisant les unes des autres, or, telle est la rigueur, Telle est l'infaillibilité de ces déductions, qu'on a vues, ainsi que je l'ai dit, qu'on vient reconnaître un animal par un seul os, par une seule facette d'os. Cette méthode de démêler les os confondus ensemble est de rapporter chaque os à son espèce, une fois conçu, ce ne fut plus par espèce isolée, ce fut par groupe, par masse, que reparurent toutes ces populations éteintes. Monuments antiques des révolutions du globe, ont pu dès lors se faire une idée, non seulement de leurs formes extraordinaires, mais de la multitude prodigieuse de leurs espèces. Ce monde inconnu, révélé aux naturalistes, est, sans contredit, la découverte la plus brillante dont puisse s'honorer l'esprit humain. C'est ce qui a porté si haut la méthode à laquelle Cuvier a attaché son nom, méthode tellement acceptée par tous aujourd'hui qu'il est inutile que nous insistions davantage à son sujet. Parlons maintenant de la méthode de Darwin. Mais d'abord, il n'est pas démontré pour moi que sa manière d'opérer mérite le nom de méthode, car qui dit méthode implique nécessairement certains ordres et certains plans, d'après certaines règles, ici, au contraire, rien de tout cela. De la fantaisie que rien n'explique, et du burlesque que rien ne motive, voilà tout le système. Ce système a pour point de départ l'inconnu, pour pièce justificative l'introuvable, et pour conséquence forcée l'impossible ou l'absurde. On dirait que Darwin s'est donné la mission de prendre la création à rebours et de réhabiliter le chaos. Citons quelques exemples de sa manière la plus habituelle de procéder. Il propose d'abord ses hypothèses sous une forme prudente et presque timide. Mais peu à peu il s'enhardit et insinue ses conjectures les plus paradoxales comme possible. Bientôt il les tient pour certaines, enfin il les suppose démontrées et il raisonne en conséquence. Finalement il n'admet pas qu'un vrai savant puisse penser autrement que lui. Et il traite avec dédain ceux qui s'obstinent à garder encore des opinions opposées. Ces changements de ton sont gradués de manière à communiquer l'enthousiasme de l'auteur à ses disciples susceptibles de fascination. Ceux-ci se sentent fascinés, parce qu'il est fasciné lui-même. Tel est le charme qu'ont pour Darwin ses propres hypothèses que les objections les plus fortes ne font aucune impression sur son esprit. Ces objections, il les expose avec une extrême loyauté et cherche longuement à les résoudre. Parfois il avoue ne point posséder encore une solution satisfaisante, mais il déclare aussitôt que cela n'ébranle aucunement sa confiance. Et il le prouve par sa persistance dans les mêmes idées. Ainsi, malgré tous les démentis donnés par la paléontologie, il s'obstine à dire que les espèces animales se sont accrues par gradations successives, il soutient de même qu'elles se sont perfectionnées par degrés, encore bien qu'il soit démontré que tout ait apporté originairement le sceau de leur perfectionnement individuel. D'ailleurs, en quoi donc un animal est-il plus parfait qu'un autre? Il serait plus exact de dire qu'ils sont tous également parfaits en ce sens que tous remplissent, avec une même perfection, le rôle qui leur a été assigné dans l'ordre de la nature. Serait-ce que la supériorité d'un animal se jugerait d'après son plus grand développement corporel? Mais l'être le plus petit est souvent celui dont l'organisation est la plus merveilleuse, et, comme l'a dit le poète, c'est dans un faible objet, imperceptible ouvrage, que l'art de l'ouvrier me frappe davantage. Confère Racine, le fils, poème de la religion. Disons enfin qu'il est une raison physiologique que Darwin semble avoir méconnue, et qui prouve mieux qu'aucune autre que tout cet échafaudage de suppositions et d'hypothèses n'est qu'une pure fiction, cette raison, la voici. Darwin établit, comme base de son système, qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple modification des espèces, mais bien de leur transformation radicale. Ainsi, de larve on devient poisson, de poisson reptile, de reptile oiseau et d'oiseau mammifère, il en résulte forcément ce phénomène inouï que chacune de ces métamorphoses entraîne, toutes les fois qu'elles se répètent, un renouvellement complet des solides et des liquides. Je dis que les solides et les liquides doivent se renouveler complètement. Pour les solides, la chose est de toute évidence. Il suffit de se rappeler que les os et la chair d'un animal diffèrent essentiellement des os et de la chair d'un autre animal. Les différences ne portent pas seulement sur la disposition des cellules et l'agencement des fibres, le microscope montre qu'elles portent jusque sur la trame même des organes. Tout animal, pour passer d'une espèce à une autre, perdra donc forcément son organisation matérielle propre, pour revêtir celle de l'animal dans lequel il s'incorporera. Voilà pour les solides. Quant à ce qui est des liquides, l'évidence n'est pas moindre. Prenons le sang comme exemple. On sait que ce n'est pas un fluide homogène, mais qu'il contient en suspension des myriades de petits corps appelés globules. Je ne saurais mieux en donner l'idée qu'en les comparant à ces paillettes d'or qui nagent dans l'eau de vie de Dantzig. Ces globules sont appropriés par leur volume et leur forme au diamètre des infiniment petits vaisseaux qu'ils doivent traverser. Lenticulaire chez l'homme, elliptique chez les oiseaux, ovoïde chez les batraciens, il varie ainsi suivant chaque espèce. Ils varieront donc également toutes les fois que l'espèce changera. C'est ce qui explique pourquoi, dans les opérations de transfusion qu'on a tout récemment réhabilitées, on ne peut injecter dans les veines d'un homme d'autre sang que du sang humain, sous peine de déterminer dans la circulation les désordres les plus graves, par l'arrêt des globules dans les vaisseaux capillaires. Il en est donc des liquides comme des solides, toute nouvelle métamorphose devant amener forcément leur changement intégral, or cela se répétera ainsi plusieurs fois chez chaque individu jusqu'à sa fixation définitive comme espèce. Mais c'est l'histoire de la lame et du manche du couteau de Jeannot, élevé à la hauteur d'un principe. Confère les battues pelle à menthe par d'Orvigny. Si la lame seule était changée, le couteau resterait-il le même, et si l'on changeait successivement et la lame et le manche, le couteau resterait-il toujours le même? Voilà cependant la manie des systèmes peut conduire les esprits les plus distingués. On violente les faits, on violente jusqu'au sens commun, et cela pour aboutir aux conceptions ridicules dont nous venons de donner le lamentable et trop véridique tableau. Essayons maintenant de caractériser par un mot la méthode de Cuvier et la méthode de Darwin. Dans la première, on prend pour point de départ l'observation de ce qui est l'étude de ce qu'on voit, mettant ensuite à contribution toutes les données que fournissent l'anatomie et la physiologie comparées, ainsi que la géologie fossile. On arrive, par des déductions logiques, à constituer un tout homogène. Dans la seconde, au contraire, on s'isole du monde matériel et visible pour se recueillir dans son imagination et se bercer de ses chimères. C'est identiquement le procédé de cet oiseau du désert, dont parlent les voyageurs, qui se place la tête sous l'aile pour qu'aucune impression du dehors ne vienne troubler sa sérénité. La première de ces méthodes est connue sous le nom de méthode naturelle. Nous proposons, pour la seconde, celui de méthode d'autruche. Voici en quels termes M. Agassiz, qui cependant n'est pas un des détracteurs de Darwin, juge son système. Je crois ce système contraire aux vraies méthodes dont l'histoire naturelle doit s'inspirer, je le crois pernicieux et fatal au progrès des sciences. La science vraie substituée à l'hypothèse. Assertion de Darwin réfutée, affirmation des vérités contraires, inutile de revenir sur la nécessité d'une création, reste à prouver la fixité des espèces. Nous nous sommes attachés jusqu'à présent à réfuter les assertions de Darwin, et nous croyons avoir démontré qu'elles ne reposent sur rien absolument de sérieux, ni parfois de raisonnable. Nous pourrions donc à la rigueur en rester là. Mais ne perdons pas de vue que nous ne sommes pas seulement en face d'un homme, car cet homme s'appelle Légion. Quand l'un vient à manquer, un autre le remplace. Aussi n'est-ce pas assez d'avoir fait ressortir toute l'inanité des théories darwiniennes, il nous faut, de plus, affirmer les vérités contraires, en d'autres termes, remplacer l'hypothèse par la vraie science. Toutefois, afin d'éviter d'inutiles redites, commençons par faire la part de ce qui n'a plus besoin de preuves avec ce qui comporte encore un complément de démonstration. La question des générations spontanées est chose jugée, et jugée sans appel. Les expériences si concluantes de M. Pasteur et les débats académiques auxquels elles ont donné lieu y ont porté le coup de grâce. C'est au point que ces derniers partisans ne combattent plus que pour ce que j'appellerais volontiers, s'il s'agissait d'une meilleure cause, l'honneur du drapeau. Nous pouvons donc regarder la nécessité d'une création comme un premier point parfaitement établi. Maintenant, comment les êtres, une fois créés, ont-ils perpétué leur race ? Il semble bien évident que le mode employé de nos jours doit être le même que celui qui a existé dès l'origine, puisque ce qui constitue le cachet des lois portées par le Créateur, c'est leur immutabilité. On doit, par suite, se croire autorisé à conclure de ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé autrefois, à savoir que les espèces ne changent pas. Oui, mais, malgré la logique de ces raisonnements, le fait contesté par Darwin et son école, qui admettent au contraire que les espèces se transforment. Ainsi donc, il nous reste encore un point à établir. C'est celui qui a trait à la fixité des espèces. Afin de ne rien omettre d'essentiel dans notre démonstration, nous reprendrons l'être tout à fait à ses débuts dans la vie, ou, pour nous servir d'un terme de circonstance, nous le reprendrons à Beauvau. De l'œuf, point de départ de tout être vivant. Première loi, un axiome d'Harvey. Ce qu'on entend par œuf, tous les germes se ressemblent, action prédominante d'un esprit, organisateur, une comparaison de saint Augustin. Deuxième loi, nécessité d'un mâle et d'une femelle. Troisième loi, tout nouvel être reproduit le type de sa race, comme quoi Adam et Ève ont forcément existé. La science moderne a érigé en loi le célèbre axiome d'Harvey, « Omne vivum ex ovo », tout être vivant provient d'un œuf. Cet axiome parut longtemps un peu trop absolu, mais les récentes découvertes de l'embryologie ont démontré qu'il n'est que l'expression vraie d'un fait universel. Toutefois, avant d'aller plus loin, expliquons-nous sur le sens qu'il faut donner au mot « œuf ». Dans le langage vulgaire, on désigne par le mot œuf un corps arrondi, plus ou moins volumineux, qui renferme le germe d'un oiseau. Pour le physiologiste, le nom d'œuf se donne à tout rudiment analogue d'un nouvel être organisé qui donne naissance au produit de la conception. À ce dernier point de vue, tous les animaux sans en excepter aucun sont reconnus ovipares, avec cette seule distinction que, dans les uns, Ce qu'on appelle les ovipares proprement dit, l'œuf sort avant le développement du fœtus, et que, dans les autres, les vivipares ou mammifères, le petit ne sort que quand le développement du fœtus est complet. La loi qui préside au mécanisme de la génération des êtres ne saurait donc être mieux exprimée que par la formule d'Harvey. Tout être vivant provient d'un œuf. Mais cet œuf, tant qu'il n'est encore qu'à l'état de germe, ne représente qu'un globule incolore, inerte, sans caractère déterminé, quelque habitude que vous ayez de manier le microscope. Vous n'arriverez jamais à distinguer le germe d'un oiseau de celui d'un poisson ou de celui d'un mammifère. Dès lors, la manière dont les organes sortent graduellement d'un tout d'apparence homogène, les changements, les complications, les rapports, les fonctions qui s'établissent à chaque nouvelle phase, la façon dont, finalement, le jeune animal revêt sa forme et sa structure définitive pour devenir un être nouveau et indépendant, prouve qu'il y a dans l'œuf une abstraction fort extraordinaire, due à l'action préexistante d'un esprit organisateur, d'où il faut conclure que tout animal porte en soi le principe même de son individualité. Ainsi se trouve justifiée cette comparaison si pittoresque et si juste de saint Augustin. De la Genèse au sens littéraire, livre 5e chapitre 23. Ainsi donc, une graine contient invisiblement toutes les parties qui, avec le temps, doivent former un arbre. Il faut concevoir de la même manière que le monde, à l'instant où Dieu créa tous les êtres à la fois, renfermait l'ensemble des êtres qui se firent en lui et avec lui, quand le jour fut fait. J'entends par là non seulement le ciel avec le soleil, la lune, les astres qui exécutent leurs mouvements de rotation en restant toujours les mêmes, non seulement la terre avec les abîmes qui, soumis à de brusques révolutions, forment la région inférieure et comme la seconde partie de l'univers, mais encore tous les êtres que la Terre produisit virtuellement et en puissance, avant qu'ils naquissent, dans la suite des temps, en l'état où nous les voyons successivement apparaître à nos regards parmi les œuvres que Dieu accomplit encore aujourd'hui. Mais revenons à notre étude de l'œuf. Cet œuf renferme donc tous les rudiments d'un nouvel être. Seulement ce nouvel être ne pourra naître à la vie que tant que l'œuf lui-même aura été fécondé, ce qui indique l'existence d'un mâle et d'une femelle. Il résulte en effet des recherches des naturalistes modernes que la réunion des deux sexes sur le même individu, l'hermaphrodisme, comme on l'appelle, est chose excessivement rare. D'ailleurs, elle ne s'observe pas dans la classe des vertébrés, celle précisément à laquelle nous appartenons. D'où cette seconde loi, non moins importante que celle d'Harvey, tout être vivant provient d'un père et d'une mère. Ce n'est pas tout encore, les travaux modernes ont prouvé également que tout nouvel être appartient à la même espèce que l'œuf qui l'a produit. Ainsi, l'œuf fécondé d'un poisson donnera naissance à un poisson, l'œuf fécondé d'un oiseau donnera naissance à un oiseau, l'œuf fécondé d'un mammifère donnera naissance à un mammifère, et ce nouveau poisson, ce nouvel oiseau, ce nouveau mammifère représentera constamment le type de sa race. D'où cette troisième loi, non moins essentielle que les deux premières. Tout être vivant appartient à la même espèce que ses géniteurs. Faisons maintenant l'application de ces lois, sur lesquelles tout le monde est d'accord, à l'espèce humaine, pour rechercher son origine. Nous n'avons point à nous préoccuper ici de ce que Moïse a pu dire de la création de l'homme, de ce que Darwin a pu imaginer de ses transformations, enfin de ce que nous avons dit nous-mêmes de son état au sortir des mains du Créateur. Non, la question n'est plus là, elle se trouve ramenée tout entière à un simple problème d'histoire naturelle dont la solution va nous être donnée par les lois qui précèdent. Voici en effet comment nous raisonnerons. Le premier œuf humain a donné naissance à un premier enfant, il a fallu pour cela le concours d'un père et d'une mère, ce père et cette mère ont appartenu forcément à l'espèce humaine, donc Adam et Ève ont existé. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.